mes frères, mes sœurs, mes professeurs et mes amis. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous le sujet la méditation dans le Theravada et dans le Zen. Le Zen, c'est plus populaire que Chan. Zen, c'est le terme japonais. Chan, c'est le terme chinois. Donc, non so se c'è bisogno di tradurlo, eventualmente vi traduco immediatamente ciò che sta dicendo via via, prima di iniziare la conferenza, terrà la sua relazione sul tema della meditazione dalle Theravada e dalle Chan Zen. È più noto lo Zen del Chan? Sì. Depuis son éveil pour, sous l'arbre Bodhi jusqu'à sa mort, pendant les 45 ans de la propagation de la doctrine bouddhiste, le Bouddha n'enseigne qu'une seule chose, la souffrance et sa suppression. Il préconisa pour y parvenir trois choses essentielles, la moralité, la méditation, la sagesse. De ces trois choses, la méditation est la plus importante, car elle est la condition sine qua non de la réalisation du nirvana. Avec la méditation apparaît la sagesse, sans la méditation, la sagesse disparaît. Reconnaissant ce duel entre gagner et perdre, on fait effort pour perfectionner la sagesse. Ou, pratiquant la méditation avec grande persévérance, les sages atteignent le nirvana, la béatitude suprême. Le bouddhisme s'est tout d'abord propagé dans le bassin de Lugang, puis ensuite, grâce aux disciples du Bouddha, il s'est diffusé dans les pays voisins de l'Inde. Aujourd'hui, après 2500 ans, le bouddhisme reste encore une doctrine vitale dans plusieurs pays de l'Asie et est en train de se répandre dans les pays occidentaux. Le bouddhisme d'aujourd'hui pourrait être comparé en arbre au tronc robuste et aux branches nombreuses et touffues. Tout en se déroulant dans le temps et se développe à travers l'espace, le bouddhisme s'est manifesté sous des formes variées, telles l'école des anciens, Theravada, et l'école du grand véhicule, Mahayana, etc. Il n'est pas resté identique au bouddhisme primitif créé par le Bouddha lui-même. Néanmoins, le bouddhisme de l'école des anciens Theravada dans les pays comme Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, etc., ainsi que les bouddhistes mahayanistes Mahayana dans les pays comme le Vietnam, la Chine, la Corée, le Japon, le Tibet, etc., reconnaissent comme la doctrine fondamentale les quatre nobles vérités et comme pratique essentielle la méditation. Dans cette causerie, je n'aborderai que la méditation de l'école des anciens et celle de l'école du Dhyana, Chan ou Zen. Il convient de remarquer que la méditation est la méthode unique et commune de presque tous les bouddhistes, bien que très différents par les traditions et les langages. En Thera, ondoyant de Sri Lanka et en Tienshu, maître Tien du Vietnam, peuvent prendre part ensemble à une science de la méditation. Leur position assise, leur méthode de concentration sont semblables, mais les sujets de méditation peuvent être différents. Cependant, leur but reste le même, l'éveil et la libération. Il y a de très nombreux livres traitant de la méditation des deux écoles, Theravada, mais c'est l'école de Diana de Chang, qui est la plus mal acceptée par les orthodoxes. En conséquence, la grande partie de ses exposés concerne la méditation dans l'école Chang, et je me bornerai à citer les idées contenues dans les livres canoniques du bouddhisme originel écrits en Pali, afin de souligner les points communs entre les deux formes de méditation. En ce qui concerne la méditation dans le Theravada, il faut noter qu'elle se base sur les deux notions suivantes: connaître ou savoir l'esprit, purifier l'esprit. Purification de l'esprit, pour se faire une idée exacte de l'esprit et de sa purification, le mieux serait de saisir le sens des stances du Bouddha contenues dans les Dhammapada. Tous les états mentaux sont commandés par l'esprit, dominés par l'esprit et produits par l'esprit. Si nous parlons ou agissons avec un mauvais esprit, la souffrance nous poursuit comme les roues d'un chariot qui talonne le bœuf. Si nous parlons ou agissons avec un bon esprit, le bonheur nous poursuit comme un ombre qui ne nous quitte jamais. Ou ne pas créer le mal, réaliser le bien, purifier son propre esprit, c'est cela l'enseigne du Bouddha. L'esprit est la force principale et créative de l'homme et de la vie. Pour le purifier ou le libérer, il faudrait appliquer les 37 éléments faisant partie de l'éveil, à savoir les 7 facteurs suivants: les 4 bases de la présence d'esprit, les 4 efforts parfaits, les 4 voies pour parvenir au pouvoir supranormal, les 5 facultés spirituelles, les 5 pouvoirs, les 6 facteurs de l'éveil, la voie octuple. Parmi ces 7 catégories d'éléments de l'éveil, la première est indispensable à tous ceux qui veulent pratiquer la méditation. Ce sont les 4 bases de la présence d'esprit, la présence d'esprit du corps, c'est-à-dire l'attention à l'inspiration et l'expiration, la considération des 4 postures, la présence d'esprit et la lucidité de la conscience, la réflexion sur les 32 parties du corps, l'analyse des 4 éléments physiques, les méditations au cimetière. La présence d'esprit des sensations, observer les sensations clairement, notamment la sensation agréable et désagréable du corps, de l'esprit, et la sensation sensuelle ou supersensuelle, la sensation d'indifférence. La présence d'esprit de la conscience, c'est-à-dire perçoit et comprend tout état de conscience ou d'esprit, qu'il soit avide ou non, haineuse ou non, égaré ou non, contracté ou trouble, développé ou non développé, surpassable ou insurpassable, concentré ou non, affranchi ou non. La présence d'esprit des objets mentaux, c'est-à-dire savoir l'un des empêchements existe ou non en lui, qu'il sait comment cela est apparu, comment le maîtriser et comment à l'avenir cela n'apparaît plus, connaître la nature de chacun de 5 groupes, c'est-à-dire la matière, les sensations, les perceptions, les compositions psychiques et les consciences. Comment ils apparaissent et comment ils ne désagrègent. Connaître les 12 bases de toutes les activités mentales: l'œil et l'objet visuel, l'oreille et l'objet audible, l'esprit et l'objet de l'esprit. Il connaît les liens basés basés dessus, et savoir comment ils apparaissent, comment les maîtriser et comment à l'avenir ils n'apparaîtront plus. Savoir si l'on et ses facteurs de l'éveil existent ou non en lui, comment cela est apparu et parvient à son plein développement, comprendre en accord avec la réalité chacune des quatre nobles vérités. En réalité, les quatre bases de présence d'esprit ne doivent pas être prises pour de simples exercices séparés, mais au contraire, du moins en bien des cas, comme des choses inséparablement associées les unes aux autres, spécialement dans les absorptions. En outre, dans les discours du Majjhima Nikaya, le Bouddha montre comment ces quatre applications de la présence d'esprit peuvent être menées en bonne fin par l'exercice de la présence d'esprit sur l'inspiration et l'expiration. Contemplation du corps. Faisons une longue expiration, inspiration. Il sait, je fais une longue inspiration. Faisant une longue expiration, il sait, je fais une longue expiration. Faisant une courte inspiration, il sait, je fais une courte inspiration. Faisant une courte expiration, il sait, je fais une courte inspiration. Percevant le souffle entier, je vais inspirer. Percevant le souffle entier, je vais expirer. Comment cette fonction de la respiration, je vais inspirer. Comment cette fonction corporelle, je vais expirer. Et contemplation des sensations, éprouvant du ravissement, je vais inspirer. Éprouvant de la joie, je vais expirer. Éprouvant de la joie, je vais inspirer. Éprouvant de la joie, je vais expirer. Percevant composition mentale, je vais inspirer. Percevant composition mentale, je vais expirer. Comment la composition mentale, je vais inspirer. Comment la composition mentale, je vais expirer. Contemplation de l'esprit. Percevant l'esprit, je vais inspirer. Percevant l'esprit, je vais expirer. Réjouissant l'esprit, je vais inspirer. Réjouissant l'esprit, je vais expirer. Concentrant l'esprit, je vais inspirer. Concentrant l'esprit, je vais expirer. Libérant l'esprit, je vais inspirer. Libérant l'esprit, je vais expirer. Contemplation des objets mentaux. Réfléchissant à l'impermanence. Je vais inspirer. Je vais réfléchissant à l'impermanence. Je vais expirer. Réfléchissant au détachement. Je vais inspirer. Réfléchissant au détachement, je vais expirer. Réfléchissant à l'extinction, je vais inspirer. Réfléchissant à l'extinction, je vais expirer. Réfléchissant au renoncement, je vais inspirer. Réfléchissant au renoncement, je vais expirer. C'est long, hein, mais c'est quelque chose de pratique. Je vais ainsi que les quatre bases de la présence d'esprit, combinées avec les exercices sur l'inspiration et l'expiration, sont une culture mentale qui constitue la seule voie conduisant à l'accès à la purification, à la maîtrise de la souffrance et les lamentations, à la cessation de la peine et du chagrin, à l'entrée dans la voie parfaite et la réalisation du nirvana comme préconisait Bouddha. Une fois esprit éveillé et libéré, l'homme est en santé et sa vie est dans la paix suprême. Moine, si l'esprit d'un moine ne s'attache pas aux éléments de la matière, des sensations, des perceptions, des compositions mentales, de la conscience, et naît et s'est débarrassé des impuretés de l'absence de fondement, alors par suite de inébranlable, il est satisfait, par suite de la satisfaction, il n'est pas troublé, n'étant pas troublé, il est lui-même atteint le nirvana. Bhavana, il est évident que le terme méditation utilisé généralement en Occident a un sens vague et incomplet. Dans le sens bouddhique, on emploie plutôt le terme développement mental, bhavana, pour indiquer les deux catégories. Le développement de la tranquillité, c'est-à-dire la concentration, et le développement de l'inspection, c'est-à-dire la sagesse. La tranquillité est l'état d'esprit concentré, inébranlable, paisible et par conséquent purifié, incorruptible, tandis que l'inspection est la connaissance intuitive qui réalise la souffrance, l'insubstantialité, l'impermanence de tous les phénomènes physiques et psychiques. La concentration est fondement indispensable et la condition prioritaire de l'inspection en purifiant l'esprit de ces empêchements qui sont des obstacles à l'esprit qui aveuglent la vision mentale, à savoir le désir sensuel comparé à de l'eau mélangée de multiples couleurs. La malveillance semblable à l'eau bouillante, la torpeur et langueur comparée à de l'eau couverte de mousse, l'agitation et les inquiétudes semblables à de l'eau agitée par le vent, et le douceptible comparé à de l'eau trouble et boueuse. Tandis que la sagesse engendre la libération de l'esprit en passant par les quatre stades supramondaines de l'état de la libération, à savoir ce qui gagne le courant, ce qui ne reviendra qu'une fois à ce monde, celui qui ne revient plus à ce monde et qui est parvenu à la libération. C'est ainsi que le développement mental se compose de deux étages. La tranquillité ou la concentration, dont la fonction est d'éliminer les empêchements et d'arriver à la concentration juste, et l'inspection ou la sagesse qui consiste à comprendre les choses comme telles, à arriver à la compréhension juste, à la pensée juste, et pour finalement atteindre les quatre fruits du nirvana. Il n'y a pas la concentration pour celui qui manque de sagesse et pas de sagesse pour celui qui manque la concentration. Et celui qui possède à la fois concentration et la sagesse est proche du nirvana. En résumé, la méditation dans le Theravada est celle enseignée par Bouddha et pratiquée par lui-même. Il est plus ou moins préservé par les communautés bouddhistes appartenant à l'école des anciens, elle a pour but d'aider l'homme tout en purifiant son esprit, gagner la santé et de la paix et atteindre la libération. Je veux souligner, c'est-à-dire cette méthode nuance la parole et le silence. Nous avons discuté de la méditation dans le Theravada. J'aborde ensuite la méditation dans le Zen. qui prend sa source dans la bouddhisme développé, dont l'aspiration remonte, dont l'apparition remonte à un ou deux siècles avant l'ère chrétienne. Nagarjuna en est le théoricien éminent. Il est l'auteur de commentaires des textes sur la Prajnaparamita, dont voici le thème principal. Toutes les choses sont insubstantielles ou vides. Pour parvenir à la suppression de la souffrance, il faut réaliser le vide. Le nirvana est également vide. C'est silence. Les nouveaux théoriciens avaient proposé de nombreuses thèses doctrinales, dont les suivantes constituent l'arrière-doctrine de l'école du Zen. Le trois corps des Bouddhas, quelque chose comme trinité dans le christianisme. Le corps créé, c'est le corps humain créé pour guider les êtres humains qui est l'ombre, le reflet du corps réel, comme le reflet du soleil et de la lune. Le corps de béatitude, qui est seulement aperçu par les saintes ou les sattvas, mais non par les êtres humains ordinaires. Le corps véritable, la totalité de l'univers, le réel, éternel, l'éternité. La conception de l'embryon du Tathagata, c'est-à-dire le Bouddha potentiel dans tous les êtres vivants. L'atteinte, le Bouddha était, est le Nirvana. L'origine de l'école baigne dans le mythe et la légende. La tradition commence par transmission du Dharma par le Bouddha lui-même au vénérable Kashyapa qui fut le premier patriarche. Lui succède 28 autres patriarche en Inde, le 28 patriarche fut Bodhidharma qui arrive en Chine en 527 et devient le premier patriarche de l'école en Chine. Il sert ainsi le pont entre le patriarcat du Dhyana, du Zen en Inde et du Qian en Chine. Vike en est le deuxième et Huinan le sixième. Huinan c'est très fameuse. Patriarche qu'on connaît bien même en Europe. L'intention de la généalogie des patriarches qui pourrait être celle préconisée par les véritables fondateurs de l'école sous dynastie de Tang où Zen était devenu une tradition florissante constitue la raison d'être de l'école et la nécessité de sa transmission particulière. Il n'est pas facile de parler de la méditation d'une école dont les méthodes et la transmission sont dissemblables de celles des autres écoles. C'est pourquoi il vaut mieux saisir ces caractéristiques dans la stance qui définit l'essence même du Zen. Il n'y a une transmission particulière en dehors de la doctrine. Ne pas établir l'authenticité des mots et de l'être. Montrer directement l'esprit de l'homme, voyant la nature propre, on devient Bouddha. Bien qu'elle apparût seulement après la mort de Huinan, cette essence constitue l'essence de l'école durant toute son histoire. Depuis sa création par le Bodhidharma jusqu'à ce jour. Le Dharma ou la réalité absolue ne peut être transmis que d'esprit à l'esprit, comme le Bouddha en a donné l'exemple. Un jour, le Bouddha assista à une grande assemblée sur le Ritakuta. En Brahma, c'est en Dieu. Offrit alors à Bouddha une fleur dorée Kumbhala et lui demanda de prêcher sa doctrine. Le Bouddha ne prêche pas mais qui en haut la fleur qui lui fut offerte. L'assemblée observa le silence et s'interrogea sur l'attitude inattendue du bénéreux. Seul le vénérable Kashyapa comprit Bouddha et le manifesta par un sourire. Bouddha, en confus et content, et déclara: je confie l'œil secret du Dharma et le merveilleux cœur du Nirvana à Kashyapa. Recevez-les et les transmettez-les aux autres. Cette légende démontre que le Dharma réalisé par le Bouddha ne peut être transmis par un langage ordinaire, car la doctrine parlée est certainement conditionné par un langage inadéquat qu'il utilise par le niveau culturel des auditeurs auxquels il s'adresse et par l'environnement dans lequel se situent le prêcheur et les auditeurs. À ce propos, il est intéressant de rappeler le passage du discours suivant concernant le nirvana et préconisé par le Bouddha. On se demande s'il existe un rapport entre le Dharma et le Nirvana, l'infini et la vérité absolue. Il y a, moine, un domaine où n'existe ni terre, ni eau, ni air, ni l'infini de l'espace, ni l'infini de la conscience. Il n'est ni de ce monde, ni de l'autre monde, ni de l'un, ni de l'autre, ni du soleil, ni de la lune. Cet état, moine, je ne l'appelle ni venir, ni aller, ni apparaître, ni disparaître, sans origine, sans évolution, sans arrêt. Ceci est en vérité la fin de la souffrance. Difficile à voir, c'est l'infini. Difficile à voir est la vérité. S'il n'existait pas, moine, on n'en est, non produit, non créé, non formé, il n'y aurait pas de délivrance pour ce qui est né, produit, créé, formé. Mais moine, puisqu'il y a un non-est, non produit, non créé, non formé, alors ce qui est né, produit, créé, formé, peut s'y libérer. Par ailleurs, comme Bouddha l'a dit, le nirvana est invisible pour les gens n'ayant pas l'œil noble. De même, Magandhika, les autres, n'étant aveugles, ne connaissent pas la santé, ne voient pas le nirvana. Le nirvana est seul aperçu par les clairvoyants. Ces deux sortes de nirvana sont déclarées par le clairvoyant. Ainsi, Brahman, le nirvana est-il visible en cette vie? Immédiat, engageant, attrayant et compréhensible pour les sages. Le nirvana est un domaine transcendantal, c'est le silence. Et s'il y a ce véritable dharma, la vraie transmission serait nécessaire. Selon les zénistes, la transmission par la doctrine parlée et les écritures n'est pas véritable. Le pire est de s'attacher aux mots vides de sang et aux lettres mortes pour y chercher la vérité pure et vivante. C'est de la folie si l'on croit que le temps peut se retrouver dans une montre. En outre, l'histoire selon laquelle a été confiée à Huinan, en illettré, la succession du Patrika par Huinan alors qu'elle a été refusée à Shenshu, l'érudit de la communauté, en est une illustration éloquente. Une autre histoire dans le texte Pali qui dit qu'on peut atteindre l'éveil à la libération en pénétrant directement dans la réalité sans avoir besoin de la connaissance scolastique. Tula Pantaka, un jeune moine, ne peut pas retenir même le passage dans l'histoire de quatre lignes après 4 mois d'effort. Son frère, également un moine, lui conseille de retourner à la vie laïque. Tula Pantaka veut rester religieux. Bouddha se rend compte de sa volonté. le confie en mouchoir propre et lui conseille de l'étendre devant le soleil chaque matin et de l'observer ensuite. Le mouchoir devint sale quelque temps après du fait qu'il le touche avec ses mains. Le changement de couleur de ce mouchoir évoque en Tulapantaka des idées de l'impermanence de la vie. C'est par la méditation qu'il obtient enfin dans l'état d'enseigne, dans l'arahant. Il est évident que la doctrine préconisée par le Bouddha durant toute sa vie et plus tard enregistrée dans les livres canoniques n'est que le doigt pointe la lune vers la lune. Or, c'est la lune qu'il faut regarder, mais non le doigt. Par ailleurs, si la connaissance scolastique peut nous amener à l'éveil, à la libération, le vénérable Ananda, le plus proche serviteur du Bouddha et qui est le trésor de Dharma, avec son incomparable érudition, aurait dû atteindre Nirvana Arahant plutôt qu'il le fit après la mort du Bouddha. En conséquence, la transmission silencieuse, directe, sans intermédiaire de langage ni d'écriture, est juste et nécessaire pour une école qui est appelée ainsi l'école de l'esprit du Bouddha. En général, l'école du Zen possède une méthode conforme à la parole du Bouddha. Vous devez vous-même faire l'effort. Le Bouddha ne sont que des maîtres. Merci. Ayant une transmission particulière, le zénisme applique une méthode de méditation aussi particulière, bien que leur préparation ressemble à celle des autres écoles. Tout d'abord, l'aspirant, avec l'aide de son maître spirituel, s'oriente dans la voie en cherchant une direction tout en ayant confiance en lui-même. La vision de l'orientation est très importante. C'est le maître qui lui montre l'existence de la potentialité de l'esprit. Et c'est à l'aspirant de reconnaître ses capacités, de s'engager dans la voie avec son intelligence. Pour se reconnaître, il faut pénétrer dans l'esprit, l'essentiel de l'homme, le trésor de toutes les qualités dont Bouddha, malgré qu'il soit voilé par les poussières de l'ignorance et des passions. En effet, l'esprit de l'homme comporte deux aspects, la réalité, les phénomènes psychiques comme sensation, perception, formation mentale, conscience, qui se manifestent quotidiennement. La potentialité, la partie non manifestée, on dit toujours la subconscience en Europe, existant toujours avec les qualités d'un homme par excellence, c'est un Bouddha. Autrement dit, tous les êtres sont potentiellement des Bouddhas. La bouddhéité et l'esprit est qu'une seule chose. Bouddha et être vivant ont une origine commune. Bouddha est un homme par excellence, ayant développé toutes les qualités d'un homme, tandis que qu'un homme est celui qui possède potentiellement toutes les qualités d'un Bouddha, dont les 10 désignations sont essentielles, le bienheureux, le méritant, l'éveillé, le parfait, le doué de sagesse et de vertu, le bienveillant, bien vivant, le connaisseur du monde, l'incomparable, le conducteur des hommes domptables, l'instructeur des êtres célestes et de l'homme, le Bouddha. C'est ainsi que l'homme ne s'oriente que vers l'intérieur, réalise ce qu'il a en lui-même. En conséquence, orienter, c'est réaliser. Cette notion conforme non seulement à la conception doctrinale qui soutient que chaque personne est un embryon de Bouddha, mais aussi au moins aux notions doctrinales dans l'enseignement originel, dans les textes pali, à savoir revenir à l'état de non-confession de l'esprit. C'est le Saint-Esprit, ou l'esprit lumineuse. La réalisation de potentialité de l'homme est possible par l'observance des Korans selon les zénistes. Il est vrai que le seul posture de lotus ne fait pas la méditation du zen, notamment le cesse de l'inchi. Il faut que l'aspirant déjà arrivé à la concentration reçoive et observe en Koan, c'est-à-dire un moment déterminé ou des Koan pendant toute sa pratique. Il y a environ 1600 Koan applicables. Littéralement, Koan signifie document public. Ce sont des énoncés contradictoires employés par le maître Zen pour créer un choc psychologique ou une angoisse philosophique chez les aspirants selon le principe « plus grand est le doute, plus grand est l'éveil ». Ils sont formulés soit sous forme de questions qui ne peuvent être résolues par une connaissance intuitive et transcendantale, soit sous forme de thèse. Ils contribuent à créer une grande tension spirituelle provoquant une espérance personnelle dont le but final est l'éveil. Il s'agit également d'une espérance qui dépasse les dualités familières qui pourraient être aperçues entre spectateur et spectacle, entre expérimenteur et espérance. La réalité vivante aperçue par l'éveil, qui est la découverte de la vérité, qui précède toujours une libération totale inébranlable, pleine de la béatitude et qui conduit finalement l'homme à maîtriser sa vie et sa mort dans la paix suprême. Par exemple, vous, c'est-à-dire rien, c'est un koan. Vous est la réponse de Chachu à la question « La nature de Bouddha se trouve-t-elle dans un chien ?» Certainement, le questionneur savait bien que la nature du Bouddha est dans tous les êtres vivants, mais il hésitait à conclure que le chien était aussi un Bouddha. C'est pourquoi le maître ne répondit pas « Oui, bien sûr, le chien a aussi la nature de Bouddha. » Il cherche à détourner la questionneur de vouloir comprendre les choses par la pensée rationnelle. Chachu visait à faire naître la connaissance intuitive à l'égard de la réalité de l'interlocuteur pour que la contradiction se résolve d'elle-même. En outre, l'aspirant, en cherchant à en résoudre les koans, doit consulter souvent son précepteur pour exprimer ses propres pensées, pour recevoir les critiques générales. Les dialogues entre maître et disciple se déroulent soit amicalement, soit férocement. Le maître peut hurler, frapper son disciple, détourner les questions, etc., dans le but de vérifier le progrès de son disciple. Si le disciple n'a pas de progrès, il doit continuer à approfondir le Koan. L'exemple ci-après illustre ce qui fait dans la solution d'un Koan. Si le maître est satisfait, il en donne l'approbation. Liu Quan, fondateur d'une école tiens du Vietnam au 18e siècle, rencontra le maître chinois Tu Yong dans la pagode Hong Kong à Hue. Et ce dernier appartenait à l'école de Linchi. Il lui conseillait de faire des recherches afin d'observer le Koan suivant. Toute chose retourne vers l'unique unité et l'unité vers quelle destination. Et rentrant à Fuyin, Liu Quan consacra 5 ans à étudier, à se méditer la signification de ce Koan et souffrit énormément de ne pouvoir en saisir la portée. Un jour, en lisant le recueil de la transmission de la lampe, il s'arrête à la phrase suivante. On ne comprend pas la signification de la transmission de l'esprit par l'indication des choses. Liu Quan découvrit aussitôt la signification du Koan de son maître et lui avait proposé de méditer 5 ans auparavant. Il revient alors avec 1608 pour rendre compte au maître Yong du résultat de son travail et surtout de sa compréhension personnelle de la signification de Koan. De Yong lui répondit alors ce terme: sur le bord d'un fossé, on lâche ses pas. On est tout seul pour endurer sa souffrance. On meurt, puis on renaît, et personne ne peut lui mépriser. Le roi applaudit, mais De Yong lui fit observer qu'il n'avait pas encore saisi la signification de Koan et dit sévèrement: pas encore arrivé. Et le roi répondit: les poids sont par l'origine en arcier. Mais le maître n'accepte pas cette explication. Le lendemain, le roi passait devant le refuge de De Yong. Il l'interpella et lui dit: ce que nous avons abordé ensemble hier n'est pas encore achevé. Il faut continuer à approfondir votre connaissance. Le roi lui répondit: de bonne heure, on sait que la lame est une flamme. Le riz est cuit depuis longtemps. Alors De Yong ne cesse pas de faciliter. En été 1772, le maître et disciple retrouvèrent à Quangnam. Le roi avait déjà 42 ans. Il soupit à son examen la stance relative bain de la statue du Bouddha. S'engagea alors entre eux la conversation suivante. Les patriarches se transmettent entre eux, les Bouddhas se reçoivent mutuellement, alors que transmettre le premier et que reçoit le second. Et combien de longueur mesure-t-elle la pousse de bambou qui s'élève sur la pierre? Combien de kilos pèse un balai en poil de tortue? Et De Yong répondit: on rame sur le sommet des montagnes, on galope au fond de l'océan. Les coins, le buffle en terre beugle toute la nuit parce qu'il a ses cornes cassées. On éreigne toute la journée et sa cithare sans cornes. De Yong acquisa par un signe d'approbation de la tête à la dernière réponse de son disciple à propos des pratiques basées sur les notions sans parler, sans penser, sans demeure, c'est-à-dire le silence. Disait Nice, il est intéressant de citer un enseignement très court mais efficace sur la méditation préconisée par le Bouddha à propos de supplication bhaya qui obtient la rang après un peu de temps de pratique. Alors bhaya, ainsi que vous devez entraîner comme ceci: dans la vision, il n'y aura que la vision, dans l'audition que l'audition, dans le sang que le sang, dans la connaissance que la naissance. C'est ainsi au bhaya que vous devez entraîner vous-même. Quand bhaya dans la vision, il n'y aura en vous que la vision, dans l'audition que l'audition, dans le sang que le sang, dans la connaissance que la connaissance, alors bhaya, vous ne serez pas bloqué. Et quand vous ne serez pas bloqué, alors bhaya, vous ne serez pas immergé. Par la suite, vous ne serez pas ici ou au-delà ou au milieu. C'est que vous atteignez la fin de la souffrance, c'est-à-dire harmonie entre le silence et parole. Il est évident, le résultat de cette pratique est l'éveil et la libération. L'éveil, c'est voir les choses comme tension. La libération, c'est une vie sans contrainte, débarrassée de toutes les passions. Elle est la conséquence de l'éveil. Un homme éveillé et libéré, parfait, est un homme par excellence en Bouddha. Il est utile de rappeler que ce qui est nommé méthode dans le Zen est inexact. Par l'orientation et la réalisation de la bodhiété et l'observance de Koan ne sont pas application de la méthode. Néanmoins, si on veut les appeler méthode, il n'est pas la méthode analytique comme celle de la science, ni la méthode synthétique comme celle de la philosophie. et là, plutôt on a l'observer, le penser de façon transcendantale, sans raisonnement logique, par conséquent, impermet la connaissance intuitive où la sagesse émerge et l'éveil apparaît. Cette méthode s'adresse à tous ceux qui aspirent à l'éveil, à la libération. Il suffit que l'aspirant observe la réalité et s'identifie lui-même avec elle, dans toute sa lumière, autrement dit, toutes les activités quotidiennes comme le manger, le coucher, le marche, le jardinage, doivent être réglées avec l'intelligence et créativité dans la direction de l'éveil et de la libération. Une fois la méthode bien assimilée, en quelque sorte faisant corps avec sa vie, il s'identifie avec la méthode et ne fait qu'une avec elle. La pratique naturelle libère toute la contrainte. À ce moment-là, il peut oublier le Coran, le Chan, même le Bouddha. L'histoire suivante est nécessaire pour illustrer l'orientation et la réalisation dans le cadre de méditation. Il était une fois dans un monastère bouddhique, un novice ayant fait la connaissance de son maître qui était en même temps un peintre célèbre. Le pria de lui apprendre à dessiner, le maître lui dit de choisir un objet. Le novice choisit modèle comme des jeunes tiges de bambou et demanda au maître de lui enseigner la méthode pour les peindre. Le maître dit, ne les peindre pas maintenant, mais observez-les encore pendant quelque temps. Le novice lui obéit. Jour après jour, il contemplait les bambous qui se trouvent devant la fenêtre de sa chambre, et chaque fois qu'il priait son maître de lui enseigner la méthode, celui-ci lui répondit, toujours la même façon. Le novice obéit son maître et continua à contempler les bambous sous divers aspects. Il les contemplait quand il était encore des pousses, quand il avait très peu de feuilles, quand il grandissait en été, en hiver, dans la plume argentée, remplie par le chant des oiseaux. Le maître, s'apercevant de son élève s'appliquait à suivre un conseil, le fit revenir 7 ans après et lui dit, « Maintenant, prenez la plume, l'encre, et dessinez les bambous. » Dessinez les bambous. Et aucun peintre de bambou ne peut se comparer à lui. Et depuis cette époque, le novice de ce monastère est un peintre célèbre très connu dans le pays. En résumé, la méditation du Zen, c'est la méditation bouddhique développée par les patriarches pour répondre à la recherche spirituelle du peuple oriental. Elle vise à élever l'homme à la situation la plus haute, l'homme par excellence, par une méthode conforme à la doctrine du bouddhisme mahayaniste. Je pense que cette méthode, c'est nuance, silence et puis parole. Tandis que la première méthode, parole et silence. Mais ça, c'est silence et parole. Et... Je voudrais vous demander de traduire quelques mots. Oui. Vous connaissez bien parce que lundi prochain, je partirai pour Vietnam pour une élection du patriarche. C'est pourquoi je ne peux pas rester avec vous toute la conférence. Non può restare, partirà adesso immediatamente tra pochi minuti perché lunedì torna in Vietnam, hanno l'élection del patriarche. Je remercie beaucoup l'Instituto di Scienze Religiose qui m'invitait d'être ici avec vous. Ringrazio l'Istituto di Scienze Religiose che l'ha invitato ad essere qui con noi. Si Spécialement, je remercie le professeur Massimo Badini qui m'a fait correspondance dans le premier jour. Et professeur Giovanni Menestrina qui arrange les conditions matérielles pour moi et madame Silvena Felici qui traduit la conférence. Ringrazia il sottoscritto che ha tenuto per primo i contatti, Menestrina che è il segretario dell'istituto e la signora Silvana Felici che ha tradotto la sua relazione, quella che voi avete avuto tra le mani. Je veux dire une chose mystique entre parole du vietnamien et parole italien. C'est le mot ciao, c'est-à-dire quand les Vietnamiens rencontrent les gens, ils font ciao, et quand ils quittent les gens, ils font ciao aussi, mais j'ai entendu le mot ciao est utilisé en Italie. C'est le mystère. Dice che ciao, che quando incontra il vietnamita il fratello, l'amico dice ciao e quando lascia dice ciao, ma questa è una parola anche italiana, dice. Maintenant je fais ciao. Ciao.